salon, Radio Crazy tout le temps. Dans ma salle de bain, Radio Crazy souvent. Dans mon radio réveil, Radio Crazy, oh non. Dans mes toilettes, ça fait passer le temps. Sur internet, Radio Crazy, elle est parfaite, elle n'a qu'un inconvénient. Chez ma copine Paulette, ça capte pas, c'est chiant. Mais de loin le plus surprenant, c'est que c'est un bon médicament. Quand t'es tout somnolent, c'est stimulant, revigorant, vivifiant. Et si t'as trop d'énervement, là elle agit comme un calmant. C'est son côté stupéfiant qu'on peut consommer légalement. Ah ouais, ah ouais, c'est cool. C'est un désinfectant, décapant pour tes tympans. Militant, jamais intolérant. Protège de l'embourgeoisement, c'est formidable. Dans ma voiture, Radio Crazy tout le temps. Dans mon salon, Radio Crazy tout le temps. Dans ma salle de bain, Radio Crazy souvent. Dans mon radio réveil, Radio Crazy, oh non. Dans mes toilettes, ça fait passer le temps. Sur internet, Radio Crazy, ah ouais. Elle est parfaite, elle n'a qu'un inconvénient. Chez ma copine Paulette, ça capte pas, c'est chiant. Ça craint chez toi, fais un petit effort quoi, je sais pas moi. Ah là là là, mère Paulette, on pourrait en parler longtemps. Elle ne quitte jamais sa couette, c'est plutôt consternant. Elle change d'avis comme une girouette, moi je trouve ça fatigant. Elle a un élevage de mouettes, si tu savais le boucan. Elle mange que des cacahuètes, du sucre et des féculents. Si tu voyais sa silhouette, on dirait un éléphant. Elle peut pas faire de pirouette, ne fait que des gestes lents. Mais sais-tu ce qui m'inquiète, elle tape pas agressivement. Dans ma voiture, Radio Crazy tout le temps. Dans mon salon, Radio Crazy tout le temps. Dans ma salle de bain, Radio Crazy souvent. Dans mon radio réveil, Radio Crazy, oh non. Dans mes toilettes, ça fait passer le temps. Sur internet, Radio Crazy, ah ouais. Elle est parfaite, elle n'a qu'un inconvénient. Chez ma copine Paulette, ça capte.